Les agents de police judiciaire ont d'énormes pouvoirs et peuvent faire un dépistage de stupéfiants sur le conducteur ou sur l'accompagnateur d'un élève en formation impliqué dans un accident mortel de la circulation. Il en va de même si la personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage corporel. Même punition pour tout conducteur impliqué dans un accident quelconque ou qui roulait trop vite ou qui ne portait pas sa ceinture de sécurité ou contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.